Ok. Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On continue donc notre cours de Sharh Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a du Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullahu ta'ala. Et on continue donc avec l'explication des réfutations ou des réponses à propos des Jabriyah, c'est-à-dire ceux qui utilisent ou qui essaient d'utiliser le Qadar pour essayer de justifier leur péché ou leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. On a mentionné plusieurs réponses à ça jusqu'à date. Et yani, on a expliqué ce point-là et on a terminé. Je pense qu'on a répondu à ce point-là. Et on est rentré au dernier cours à la fin à l'explication de yani isnad al shar ilallah. Et on a expliqué que yani on n'attribue pas ou la yunsab al shar ilallah ta'ala yani ihtiraman wa ta'adduban ma Allah subhanahu wa ta'ala, donc par respect et par bonne manière on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que c'est lui qui a tout créé, qu'est-ce qui existe. Mais on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais même dans le mal que Allah a créé, il n'y a pas un mal absolu. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le mal qu'il a créé, il y a un bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a permis au mal d'exister ou à un mal d'exister, c'est parce qu'il a un but ou un objectif, ou un plan, ou une sagesse derrière l'existence de ce mal. Et cette sagesse-là, elle est bonne en elle-même. Donc le mal, il n'est pas mal de façon absolue ou de façon totale. C'est un mal dans lequel il y a un bien dedans. D'accord? Et parmi les exemples qu'on avait mentionnés à ce sujet-là, on avait expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu par exemple que Iblis existe. Et Iblis, c'est quelqu'un qui est mauvais et c'est quelqu'un qui fait le mal. Mais dans son existence, il y a une sagesse. Allah, il a un plan. Et Allah, il a une sagesse dans le fait que Iblis existe. Et c'est justement dans le but de pouvoir tester les êtres humains et voir ceux parmi eux qui vont être sincères et qui vont être croyants et qui vont obéir à son ordre et par conséquent obtenir la récompense qu'il a préparée pour les croyants, c'est-à-dire le paradis éternel. Donc il y a une grande sagesse dans ça. Et parmi les exemples et les preuves que le cheikh a mentionné à ce sujet-là, il a dit par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith rapporté par Muslim, wa sharru laysa ilayk, wa sharru laysa ilayk, c'est-à-dire que le mal, il n'est pas attribué à toi, hein, il ne t'est pas attribué. Et on avait cité ça au dernier cours. Et on avait donné comme exemple aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mentionné dans le dua, hein, lorsqu'il dit waqini sharra ma qadait. Waqini sharra ma qadait. Donc c'est-à-dire qu'il a dit et préserve-moi ou protège-moi du mal que tu as décrété. Donc il a attribué le mal à ce qu'il a décrété et non pas à lui-même. Hein, par respect. Et j'avais mentionné au dernier cours aussi les exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans sourate Al-Falaq. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Donc il a attribué le mal à ce qu'il a créé. شَرِّ مَا خَلَقِ. Comme si en voulant dire, il n'attribue pas le mal à lui-même, il attribue le mal à ce qu'il a créé. Et ça, c'est par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et par ta'addub, yani avec pour avoir le bon comportement et la bonne manière. Hein? On dit par exemple à Allah subhanahu wa ta'ala, biyadika al-khayr. Hein? C'est entre ta main qu'est le bien. On ne dit pas biyadika al-shar. Hein? Parce que même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle le bien et le mal, mais par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas lui dire yani, en ta main est le mal. Hein? Ou bien, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on l'invoque, on dit Rabbi samawati wal ard. Hein? On ne va pas dire Rabbi al khanazir wa shayatin. Hein? Malgré qu'il est le Rabb de toutes les créatures, même celui qui a créé le porc et celui qui a créé les shayatin. Mais, par respect pour Allah, on ne va pas l'appeler par ça, de cette façon-là. D'accord? Parce que Allah les a créés, ces créatures-là, il a créé les diables, il a créé les shayatines, il a créé Iblis, il a créé le mal, mais pour une sagesse et pour un bien, d'accord? Mais par respect pour Allah, on ne va pas mentionner ça de cette façon. Ok, donc le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّرُّ فِي مَقْدِيَاتِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ الذي علمه الحسن أو علمه الحسن نعم وقني شر ما قضيت وقوله في مقضياته أي في مفعولاته أما فعله فليس فيه شر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه وقني شر ما قضيت ولم يقل شر قضائك شر قضائك حتى ولو حتى فرض أن لفظ الحديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياته أو مقضياته أو مقضياتك فأضاف الشر إلى ما قضاه ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا بل هو شر في محله من وجه خير من وجه ها شر في محله من وجه وشر من وخير من وجه او شر في محله خير من في محل اخر donc c'est ça il dit et donc il a attribué le mal à ce qu'il a décrété et il dit donc même si on dit ça de cette façon il faut comprendre que le mal en question, ce n'est pas un mal qui est pur, comme j'expliquais tout à l'heure, mais c'est un mal dans lequel il y a un mal et dans lequel il y a un bien aussi d'un autre point de vue. D'accord ? Et le cheikh, il explique que le prophète, il avait enseigné ça dans son doua, cette parole, à Al-Hassan, le fils d'Ali, radiyallahu anhu. Il lui a dit de dire, yani, et protège-moi du mal de ce que tu as décrété. Et il dit وَمَا اسْمٌ مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الَّذِي أي شر الَّذِي قَضَيْتَ فَيَكُونُ هُنَا التَّسْرِيحُ بِأَنَّ الشَّرْ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَقْضِيَّاتِ وَقَوْلُهُ فَأَضَافَ الشَّرُّ إِلَى مَا قَضَاهُ يعني لا إلى قضائه ومع هذا فإن الشر donc il a attribué le mal à ce qu'il a décrété et non pas à son jugement. Et il dit, et même s'il l'avait décrété à son jugement, le mal que Allah a créé, ce n'est pas un mal qui est pur, c'est un mal qui est relatif. C'est ça qu'on peut dire. Il dit, فَعِنْدَنَا قَضَاءٌ وَمَقْضِي فَالْقَضَاء لَا شَرَّ فِيهِ إِطْلَاقًا أَمَّا الْمَقْضِي فَفِيهِ شَرٌ وَلَكِنَّهُ شر من وجه وخير من وجه آخر لا يمكن أن يكون في مقضياته شر يعني محض أبدا لأنه إذا كان فيه شر محض صار سفها donc c'est ça il y a pas un mal pur comme on l'a dit s'il y avait un mal pur alors ce serait quelque chose qui serait insensé qui n'aurait pas de sens parce que Allah subhanahu wa ta'ala il ne fait rien qui est insensé. Et il dit, فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ فِي قَضَائِهِ الَّذِي هُوَ فِعْلُهُ شَرٌ مُطْلَقًا. Donc, dans le mal que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les actions que Allah subhanahu wa ta'ala fait, il n'y a aucun mal. Dans les actions que Allah fait et dans son jugement, il n'y a aucun mal. Il peut seulement y avoir un mal relatif dans ce qu'il a décrété. Dans ce qu'il a décrété. Et يعني, il dit إذن الشر المحض منتف في مفعولاته وفي فعله. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de mal absolu. Et il dit وقوله بل شر في محله من وجه وخير من وجه أو شر في محله خير من في محل آخر إذن لا بد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر. Il dit « فَالْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْجَدْبِ وَالْمَرَضِ وَالْفَقْرِ وَالْخَوْفِ شَرٌ لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتين الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. Donc le cheikh, il donne ici d'autres exemples. Il dit la corruption et le désordre sur la terre, par exemple la sécheresse, la maladie, yani la pauvreté, la peur, ce sont des choses qui sont mauvaises, hein? Mais d'un autre point de vue, c'est quelque chose qui est bien aussi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il teste les êtres humains et il les éprouve de cette façon, et en même temps il les purifie de certains de leurs péchés à cause de ça. Et il mentionne le verset 41 dans Sourate Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le désordre ou la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des hommes ont acquis, pour qu'ils puissent goûter un peu de ce qu'ils ont fait comme action, pour qu'ils puissent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de goûter à certains châtiments ou à certaines punitions, ça fait en sorte que les êtres humains, ils goûtent à une partie de l'injustice qu'ils ont causée eux-mêmes, et ça fait en sorte qu'ils puissent se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne un autre exemple aussi dans le fait, par exemple, qu'il a légiféré de couper la main de celui qui vole ou de lapider celui qui fait le zina ou l'adultère. Et il dit, par rapport à celui qui vole et à celui qui fait l'adultère, le fait de couper sa main ou de lui enlever sa vie, c'est sûr qu'il y a un aspect qui est négatif là-dedans ou quelque chose de mal là-dedans pour lui. Sauf qu'en même temps aussi, il y a un bien. Et le bien dans ça, c'est que premièrement, ça va être une expiation pour son péché, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui donner il ne va pas réunir pour lui deux châtiments, celui de la dunya et celui de l'au-delà. S'il a été puni dans cette vie d'ici-bas, il ne va pas être puni pour ce péché-là dans l'au-delà. Donc déjà, ça fait une expiation pour son péché, parce qu'il a payé pour le péché déjà qu'il a commis dans cette vie. Et il dit, et également, c'est un bien d'un autre point de vue, et c'est dans le fait qu'il y aura par la suite, à cause de cette peine, une protection pour le reste des gens dans la société, dans leur bien, parce qu'ils vont... Ils vont voir la punition pour celui qui a volé. Et ça va faire en sorte que si quelqu'un, il avait l'intention de voler, il va se retenir de voler parce qu'il voit la punition qui est réservée à celui qui vole. Et il voit celui qui avait l'intention de faire le zina, il voit la punition qui est réservée à celui qui fait le zina. Et donc ça va le retenir de vouloir justement tomber dans ce péché-là. Donc c'est une protection pour le reste, dans leur honneur et dans leur famille, dans leur lien de parenté aussi, qui vont être protégés à cause de ça. Donc le cheikh Ibn Uthaymeen, il mentionne à ce sujet-là quelques commentaires. Il dit par exemple, قوله نعم الجذب ضد الخصب فيكون الأرض مجدبة ليس فيها نبات فهذا الشر لأنه يهلك بسببه المواشي ولا نعام بل والآدمي أحيانا وكذا المرض والفقر والجهل شر لكنه خير في محل آخر فمثلا يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وهذا فساد وهو شر ولكن قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن الرجوع خير لا شك وإذاقة الناس بعض الذي عملوا خير أيضا لأنها تعجيل للعقوبة في الدنيا وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة فاتضح أن الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولاته تبارك وتعالى لأن فعله كله حكمة. Donc il dit Allah سبحانه le cheikh il mentionne que donc quand il y a une sécheresse, c'est sûr qu'il y a un mal là-dedans parce que ça fait en sorte que les gens ils ne trouveront plus rien à manger, parce que la sécheresse, ça empêche les légumes de pousser, la nature, les herbes, et les animaux et les êtres humains, ils mangent de ça. Les animaux, ils mangent des herbes, et nous, on mange les herbes, et on mange les légumes, et on mange les animaux. Et les animaux ont besoin des herbes pour se nourrir. Donc, s'il n'y a plus de nourriture, s'il n'y a plus d'herbes, s'il n'y a plus de légumes, eh bien, les animaux, ils meurent. Et les êtres humains, ils meurent. Hein, même parfois aussi. Donc, c'est un mal, il n'y a pas de doute. Hein? Et de même que la maladie, la pauvreté, l'ignorance, hein? Tout ça, c'est du mal. Mais d'un autre point de vue, il y a un bien là-dedans, puisque Allah subhanahu a dit qu'il a fait apparaître, hein? On a vu apparaître le désordre, la corruption sur terre et dans la mer à cause des péchés que les hommes ont acquis, à cause de l'injustice qu'ils ont fait, et ça, c'est un mal. Mais en même temps, il fait en sorte que les gens goûtent une partie de ce qu'ils ont œuvré eux-mêmes pour qu'ils puissent revenir à Allah et qu'ils puissent se repentir à Allah. Et il y a dans ça un bien, il n'y a pas de doute. Et le fait qu'ils goûtent à une partie de ce qu'ils ont fait comme péché ou comme injustice, eh bien, c'est mieux pour eux. Pourquoi? Parce que le châtiment de la dunya, il est plus léger que le châtiment de l'au-delà. Donc, s'ils sont punis dans cette vie d'ici-bas, c'est mieux pour eux que d'être punis dans l'au-delà. Et donc, on voit que même dans le mal que Allah subhanahu a décrété parmi les choses de la dunya, il y a également quand même un bien et une sagesse. Parce que tout ce que Allah subhanahu a fait, il le fait uniquement pour une sagesse. Et il dit ensuite, فَفِي السَّارِقِ تُقْطَعُ يَدُهُ وَهَذَا شَرٌّ وَكَذَلِكَ الزَّانِي الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَهَذَا شَرٌّ لأنه يموت ولكن في المثال الأول وهو الفساد في الأرض إنما كان شرا في محله خيرا في محل آخر أما المثال الثاني فهو شر وخير في محل في محل في محله يعني في نفس الوقت. Donc il donne l'exemple de qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à celui qui a commis يعني le péché. Il dit فإن هذه الحدود تكون كفارة للذنوب. Donc parce que celui qui va voler, on va lui couper la main. Celui qui va faire le zina alors qu'il était marié ou qu'il a été marié, il va être lapidé. Donc c'est sûr que pour lui c'est un mal. Il y a un mal là-dedans pour lui. Mais en même temps, c'est un bien. Pourquoi? Parce qu'il va être expié pour ses péchés. Allah va lui effacer ce péché-là pour lequel il a été puni dans cette vie d'ici-bas. Et il ne va pas être puni pour ce même péché-là dans l'au-delà. Donc c'est un bien pour lui. Et il dit, فَالسَّارِقُ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ صَارَ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ عِنْدَ الْعُقُوبَةِ فِي الْآخِرَةِ أَمَّا إِذَا تَابَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ أنه ترفع عنه العقوبة في الآخرة وكذلك يقال في الزاني. Donc il dit celui qui a volé ou qui a fait le zina, yani s'il s'est fait punir dans cette vie d'ici-bas et qu'il ne s'était pas repenti, eh bien, ça sera quand même une expiation pour lui et il ne sera pas puni pour ce péché-là dans l'au-delà. Toutefois, s'il s'est repenti, alors l'affaire est encore plus claire dans ce cas-là, puisque Allah va lui enlever complètement le châtiment pour ça dans l'au-delà, ça c'est certain. Et il dit, وأيضا هو محل وهو أيضا خير في محل آخر أي قطع يد السارق ورجم الزاني خير في محل آخر حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب فحماية الأموال يكون في قطع يد السارق فكل إنسان يعرف أن يده ستقع ولو سرق فإنه يترك السرقة ورجم الزاني فيه حماية للأعراض وفيه حماية للأنساب فكل إنسان يعرف أنه إذا زنى يعني وهو محصن رجم فإنه لن يزني فنحفظ أعراض بني آدم ونحفظ أنسابهم إذ لو أن الإنسان يزني كل ما شاء لاختلطت الأنساب فلا يدري هذا الولد من الوطء الحلال أو من الوطء الحرام. Hein? Donc le cheikh il explique que le fait que dans le fait d'appliquer les peines de la charia, il y a une protection hein, de la société parce que celui par exemple qui a envie de voler, il sait que s'il vole, il risque de se faire couper la main. Donc il va s'abstenir de voler. De même que celui par exemple qui a envie de faire le zina, il sait que si jamais il se fait attraper, il risque d'être lapidé si il est. Yani, muhsan, c'est-à-dire s'il était marié ou s'il était déjà marié. Hein? Ça veut dire qu'il risque d'être lapidé et il veut pas se faire lapider. Donc, il sait que c'est dangereux pour lui. Alors, si quelqu'un, par exemple, il est dans une société comme ici, par exemple, où le zina est légal. Ici, dans les pays de Kofr, le zina, il est légal. C'est-à-dire, du moment que deux personnes sont consentantes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Eh bien, les gens se permettent de faire le zina comme ils veulent, facilement, sans avoir aucune crainte, sans avoir aucune peur de faire quelque chose de haram. Et après, le résultat, il dit, le cheikh, c'est que les gens, ils font le zina, et puis la femme, elle tombe enceinte, elle est mariée, elle fait le zina avec quelqu'un d'autre, elle tombe enceinte d'un autre homme, et son mari, lui, il pense que c'est son enfant, mais c'est pas son enfant, c'est l'enfant de l'autre homme. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Les liens de parenté deviennent confus, mélangés. Hein? Et le résultat de ça, c'est que la société devient corrompue par la suite à cause de ça. Et les enfants naissent dans des relations illégitimes. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont mauvaises pour la société. Et l'islam, il vient pour protéger la société de ce genre de situation-là. Après, le cheikh, il dit, فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ أَيُّهُمَا أَهَمْ حِمَايَةَ الْأَبْدَانِ أَوْ الْأَمْوَالِ فَالْجَوَابُ يَعْنِي حِمَايَةُ الْأَبْدَانِ وَلَكِنَّ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةَ تَرْبُو عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ فَحِمَايَةُ أَمْوَالِ النَّاسِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَقَطْعُ يَدِ السَّارِقِ ضَرَرٌ خَاصٌّ فالمسائل العامة مقدمة على الخاصة ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار وهو ما يساوي يعني 25 ريالا تقريبا أو أقل ولو أن جانيا قطعه لألزمناه بنصف الدية وهي يعني 50 بعيرا وهي 50 يعني بعيرا فإذا قيل كيف تكون قيمة اليد 50 بعيرا وإذا سرقت وإذا سرقت يعني فخذ البعير يعني قطعت فنقول أما الأول فحماية للأبدان والأنفس وأما الثاني فحماية الأموال ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن قطع يد السارق بربع دينار حماية للأموال وإن جعل ديتها نصف دية النفس يعني حماية للنفوس وهذا هو الحق. Donc regardez, subhanallah, ici le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il explique, il dit, si quelqu'un pose la question, qu'est-ce qui est le plus important, de protéger les corps ou protéger les biens? Et le cheikh, il dit, c'est sûr que de protéger les corps est plus important parce qu'il y a dedans un bienfait général qui est plus important que le bienfait d'un individu en particulier. Il dit mais la protection des biens des gens, il y a un bienfait général dans ça. Et il dit, quand on coupe la main du voleur, c'est un mal particulier qui est fait à une personne. Et il dit, quand on regarde les questions qui sont plus générales, elles ont précédence sur les choses qui sont spécifiques ou particulières à des individus. Et il dit, si on coupe la main du voleur, par exemple, parce qu'il a volé, on va lui couper à partir d'une certaine valeur. Et cette valeur, les ulama, ils l'ont établie à partir de la sunna, à propos c'est-à-dire à partir d'une valeur d'un quart d'un dinar. Un quart de dinar. Un dinar, c'est une pièce d'or qui équivaut à peu près à la somme de 25 rials. 25 rials, c'est moins que 10 dollars. Moins que 10 dollars. Donc, si quelqu'un vole pour cette valeur-là, à partir de cette valeur-là, on lui coupe la main. Il dit, mais pourtant, si quelqu'un, par exemple, un individu, par exemple, il vient puis il te coupe la main avec un couteau, hein, un criminel, il vient puis il te coupe la main pour te faire du mal, eh bien, il devra te payer le prix de sang pour cette main-là qui équivaut à la moitié de la dia pour la vie complète d'un individu, c'est-à-dire il devra te payer la valeur de 50 chameaux pour t'avoir coupé cette main. Hein? Parce que sans ta main, hein, sans ta main, si quelqu'un vient et te coupe la main, hein, sans cette main-là, maintenant, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras plus faire. Hein? Et donc, la dia pour une main, c'est la moitié de la dia pour la vie au complet. Donc, ça veut dire qu'il devra payer pour ça 50 chameaux. Donc, cher, il dit, si quelqu'un posait la question, comment est-ce que la valeur de la main peut valoir 50 chameaux, mais que lorsqu'il vole pour, par exemple, un quart de dinar, on lui coupe la main. Hein? Si, par exemple, il a volé une épaule de chameau, par exemple, ou une jambe, comme on dit, un jarret de chameau, s'il vole cette quantité-là, on va lui couper la main pour ça. Il a dit oui, parce que la personne qui a, par exemple, pour qui on lui coupe la... on lui a coupé la main injustement, la personne qui est responsable ou qui est coupable d'avoir fait ce crime-là, lui, il va payer 50 chameaux, pour la valeur de 50 chameaux. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour protéger les corps des personnes et leur vie. Tandis que dans le cas de la personne qui a volé pour un quart de dinar, on lui coupe la main, parce que ça, c'est dans le but de protéger les biens des gens. Et c'est pour ça que les hommes de science ont dit à ce sujet-là, couper la main du voleur pour un quart de dinar, c'est pour protéger les biens des gens. Et donc, la dia, pour avoir coupé la main de quelqu'un injustement, ça c'est 50 chameaux, c'est-à-dire la moitié de la dia pour la vie d'une personne. Et ça, c'est la vérité qui est dit à ce sujet-là. Et ayant complété cette partie-là, ça veut dire qu'on a fini la section qui explique les 6 fondements de la foi, c'est-à-dire les 6 piliers de la foi. Al-Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadar khayrihi wa sharrihi wa hadhihi usul al-iman allati bana ahlu sunnati wal jama'a imanahum 'alayha. Donc on a complété la clarification des 6 piliers de la foi, hein, sur lesquels les gens de la sunna ont basé leur croyance. Maintenant, le cheikh, il a fait une dernière section dans le livre, et cette dernière section, c'est à propos des thamarat. Hein? Al-thamarat, yani al-lati, yani tuthmir al-mu'taqad hadha, yani al-mu'taqad al-sahih, عندما تعتقد هذه العقيدة, yani tuthmir al-nataij المفيدة والفوائد العظيمة وما هي هذه الثمرات. C'est ça le but maintenant d'expliquer pour chacun de ces piliers de la foi, quels sont les fruits qui en découlent, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce que ça doit produire en nous, c'est cette croyance-là. Donc c'est ça qu'on va expliquer. Je vais juste prendre un petit peu de thé et on va commencer. Non, si quelqu'un, il t'a coupé une main, ou bien il t'a crevé un œil, ou bien il t'a coupé un pied, ou bien il t'a blessé, dans la charia, la personne, elle va devoir payer une compensation pour ça. Si une personne tue une autre personne, elle doit payer le prix pour la vie de cette personne-là aussi. Et la valeur de ça, ce qu'on appelle en arabe, ad-diya. Et la valeur de la dia pour une personne, c'est 100 chameaux. La valeur de 100 chameaux. D'accord? Donc, supposons qu'une personne, par exemple, dans la rue, là, elle a tué quelqu'un. Elle doit payer à la famille de cette personne la valeur de 100 chameaux. D'accord? Et si c'est une main qu'elle a coupée, ou bien une... différentes parties du corps, ils ont différentes valeurs selon selon qu'est-ce qui a été déterminé par la charia. Et pour la main, c'est la moitié de la dia. Hein? Non. Donc, il y a des détails de ça dans les livres de fiqh, dans le chapitre qu'on était en train d'expliquer justement dans Al-Qisas. Al-Qisas. Non. le chapitre au sujet de Al-Qisas. Donc ici, maintenant on va commencer. Attendez, j'ai presque fini. Tu veux dire le talion là. Oui, c'est ça. C'est que... En fait, c'est dans les règles et il faudrait que je le relise parce que là, c'est un autre sujet. Mais si tu veux, on pourra discuter de ça plus en détail dans une autre occasion. Mais sinon, attends, y a, tu vois, fait Ahkam al-Diyat. Tout est expliqué ici. Mais on n'était pas encore rendu là. Fait Maqadir al-Diyat. Bon, on va y revenir plus tard à ça. Justement, j'ai mis ça en pause là pour l'instant pour reviser bien comme il faut avant de reprendre l'explication du livre. Donc, quand on va arriver à ce point-là, j'expliquerai les détails de cette question de Ad-Diyah. Bon, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit « وهذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقديها ثمرات جليلة كثيرة. » Il dit cette noble aqida, cette noble croyance qui est comprise dans ces six fondements de la foi, qui sont des fondements immenses dans la religion de l'islam, elle rapporte certains fruits pour celui qui y croit avec certitude. Et ce sont des nobles fruits et qui sont très nombreux également. Donc, le cheikh, il va les expliquer maintenant. Il dit, هذه العقيدة يعني في الحقيقة تثمر ثمرات جليلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فكثير من الناس نسأل الله أن لا يجعلنا منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما ولكن على أنها أمور نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما بل نظريا. يعني le cheikh il explique un point important ici. Il dit que la aqida qu'on a expliqué maintenant et qu'on a étudié ensemble en réalité, c'est quelque chose qui doit produire des fruits très très important pour celui qui a un cœur, et tout le monde a un cœur pour vivre, on a tous besoin du cœur. Mais ici, c'est pas seulement le cœur là qui est l'organe qui fait battre le sang dans notre corps, et qui fait circuler le sang. Le cœur, c'est aussi le cœur dans le sens d'avoir un cœur pour réfléchir, pour réfléchir et pour comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, nous a enseigné, pour qu'on puisse justement y croire et le mettre en pratique. D'accord? Et également, soit que la personne elle a un cœur pour réfléchir, ou bien qu'elle a des oreilles, et qu'elle a l'ouïe, elle arrive à entendre, et qu'elle est témoin de ce qu'elle entend, et donc elle comprend ce qui est voulu d'elle. Et donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et on demande à Allah qu'il fasse qu'on ne soit pas parmi cette catégorie-là. Ils lisent les piliers de la foi et ils les ont mémorisés, ils les ont compris par cœur. Mais ils voient ça comme étant quelque chose qui est théorique. Il y en a comme si c'était des théories, et des choses qu'on a apprises, mais qui ne vont pas produire en nous aucun fruit dans notre conduite, dans notre façon d'agir, et qui ne vont pas non plus être une voie qu'on va suivre. C'est seulement quelque chose d'abstrait, quelque chose de théorique, comme une connaissance qu'on apprend à l'école, on étudie pour l'examen. Quand tu es sorti du cours, ou bien quand tu as fini l'examen, tu ne vas plus jamais y penser, tu ne vas plus jamais t'en occuper. Mais tu l'as mémorisé par cœur juste pour répéter comme ça. Mais tu n'y crois pas vraiment. Donc le cheikh il dit فالإيمان بالله يتضمن كذا والإيمان بالملائكة يتضمن كذا والإيمان بالكتب يتضمن كذا والإيمان بالرسل يتضمن كذا، والإيمان باليوم الآخر يتضمن كذا، والإيمان بالقدر يتضمن كذا، ولكن كثيرا منهم لا يثمر له هذا الإيمان السلوك الصواب. وإذا شئت أن ترى ذلك فانظر إلى العالم الكثير الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات، أمم لو أن هذه الأمم تطبق الحقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين، ولكن الواقع أن كل دراستنا إنما هي دراسات نظرية. Le cheikh il dit, les gens ils ont appris la foi en Allah ça implique telle chose, la foi en les anges ça implique telle chose, la foi en les livres ça implique telle chose, la foi en les messagers ça implique telle chose, la foi en le jour dernier ça implique telle chose, la foi en le qadar ça implique telle chose. Et par contre il dit, tu ne vois aucun fruit parmi les fruits qui devraient apparaître, qui sont reliés à la foi, dans le comportement qui vont corriger justement l'attitude des personnes et leur comportement. Il dit, et si tu veux savoir que ça c'est vrai ce qu'on dit, eh bien regarde le nombre de personnes et la quantité de personnes qui rentrent dans les écoles, dans les instituts d'éducation islamique, dans les universités. C'est des grands nombres de personnes qui étudient et qui ont gradué, qui ont obtenu des diplômes, qui ont fini leurs études. Et il dit, si tout le nombre de ces personnes-là mettaient réellement en pratique ce qu'ils ont étudié dans ces universités-là, il dit, tu aurais vu que ces populations-là seraient devenues comme les populations des Khulafa al-Rashidin. Il dit, sauf que la réalité, c'est que la plupart de ce que ces gens-là ont appris, ça reste que des études théoriques, des choses qui ont été apprises et mémorisées, soit juste pour passer les examens, pour avoir une bonne note, ou bien pour faire l'examen, ou bien pour avoir le diplôme. Puis une fois qu'ils ont obtenu le diplôme, c'est comme si rien n'était. Dites-vous que dans certaines universités islamiques, chaque année, il y a des milliers de personnes qui terminent leurs études avec un diplôme. Et il y en a qui font la maîtrise et qui obtiennent leur diplôme de maîtrise. Et il y en a d'autres qui font des doctorats et qui obtiennent leur diplôme de doctorat. Si tous ces élèves-là, tous ces gens-là étaient vraiment en train de mettre en application leurs apprentissages et leurs connaissances et de l'enseigner aux autres, on aurait vu des fruits de ça qui apparaissent dans la population et chez les gens et dans tous les pays du monde. Parce qu'il y a des élèves du monde entier qui vont dans ces universités-là. Mais dans la réalité, on n'en retrouve que très peu de ces bienfaits-là, parce que peu d'entre ceux qui ont obtenu ces diplômes le mettent en pratique et agissent et pratiquent justement les choses qu'ils ont étudiées. Certains élèves, une fois qu'ils ont terminé leurs études, eh bien, ils retournent à leur vie ordinaire et il y en a très peu d'entre les élèves sont vraiment actifs ou mettent vraiment à profit pour les autres la connaissance qu'ils ont étudiée. Et l'exemple de ça, c'est un frère qui m'avait mentionné un exemple. Il y en a dans un pays musulman, c'est un des pays parmi les pays d'Afrique, parmi les pays musulmans en Afrique. Il y avait un frère qui était parti étudier, et il a fini, même il a fait sa licence, il a fait sa maîtrise, il a fait son doctorat, il a étudié dans une université islamique qui est sur la sunna, parmi les universités des pays musulmans qui appliquent la sunna et qui enseignent la aqida salafia, en Arabie Saoudite, l'université de Médine. Donc ça veut dire qu'il connaît la aqida, il connaît le manhaj, il connaît les ulama. Mais quand il est retourné dans son pays, qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu de commencer à enseigner aux gens la sunna et de leur enseigner l'islam authentique, il est retourné parce que son père était le chef de la tariqa Tijaniya dans son pays. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné là-bas. Au lieu d'orienter les gens de son pays pour leur enseigner la sunna et la aqida, il est rentré dans son pays et il a repris la tariqa de son père. Et au lieu d'enseigner aux gens de cette tariqa le vrai message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna, il s'est mis à répéter à ces gens-là qu'est-ce que son père leur enseignait, des choses qui sont contraires à la sunna. Alors, quand on est allé le voir et quand on leur a dit, des frères lui ont dit à cette personne, « Ya akhi, pourquoi toi tu as fait des études, tu as un doctorat maintenant, tu as étudié la sunna, tu reviens, pourquoi tu leur enseignes pas le vrai islam, la sunna? Hein? Et pourquoi tu continues à leur enseigner les choses fausses que ton père leur enseignait? » Il a dit, « Mon frère, j'ai pas le choix. » Hein, c'est ça qu'ils connaissent et yani, si je leur enseigne la sunna, ils vont pas accepter. Hein, subhanallah. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont reçu une éducation sur la bid'a et ils veulent garder le prestige, hein, et l'autorité qu'ils ont sur ces gens-là. S'ils commencent à leur enseigner la sunna, ces gens-là peut-être vont se tourner contre eux. Ils vont dire, ah non, nous on ne veut pas entendre ça, on ne veut pas apprendre ça, on veut continuer à apprendre la bid'a. Et eux, ils n'ont pas le courage, hein, de les affronter et de leur dire la vérité. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pour garder le prestige, pour garder l'argent, pour garder l'autorité qu'ils ont, ils continuent à leur dire des mensonges et à leur enseigner le faux. Hein? Donc c'est ça c'est juste un exemple. Ça, c'est seulement un exemple parmi les exemples des gens. Il y en a un autre qui était à Montréal ici, qui faisait de la da'wa. Et une fois, j'ai discuté avec lui. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'enseignes pas aux jeunes le tawhid et la aqida? Hein? Il a dit, ah, une fois, j'ai donné un cours de aqida aux jeunes et ils ont trouvé ça ennuyeux, ils ne voulaient plus venir. Donc, j'ai arrêté d'enseigner ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il veut enseigner aux gens ce qui va les attirer seulement, même si c'est faux, ou même si c'est pas qu'est-ce qui est le plus important. Et il se concentre sur des choses comme ça et il délaisse ce qui est le fondement et la base de la religion. Et ça, c'est malheureux. Et ça, c'est malheureux. Si tu enseignes aux jeunes le tawhid et que eux, ils n'aiment pas le tawhid, eh bien, tu dois apprendre à leur faire aimer le tawhid. Parce que le tawhid, c'est la base de l'islam. L'unicité d'Allah, c'est la base de l'islam. S'ils ne l'aiment pas, ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'islam. Il y a un problème. Hein? Et les prophètes, quand ils sont venus à leur peuple, la première chose à laquelle ils les ont appelés, c'est Allah, ilaha illallah. Et quand ils sont venus au peuple, ils ont appelé les gens Allah, ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des prophètes qui vont venir au jour de la résurrection. Il y a seulement un ou deux qui les a suivis. Un ou deux. Hein? Et il dit, il y en a d'autres qui vont arriver au jour de la résurrection, et ils seront tout seuls. C'est-à-dire, il y a des prophètes qui vont venir devant Allah au jour de la résurrection, ils vont être tout seuls. Il n'y a personne qui les a suivis du tout. Est-ce que ces prophètes-là, ils n'ont pas dit, ah, il n'y a personne qui me suit. Alors, je vais changer ma da'wa, je vais parler d'autre chose. Je ne vais pas parler de la ilaha illallah parce qu'ils ne veulent pas me suivre. Je vais leur parler d'autre chose. Je vais changer mon message pour attirer les gens. Est-ce que c'est ça la façon des prophètes? Non. Le but des prophètes, c'est pas d'obtenir le plus grand nombre de gens qui les suivent. C'est pas non plus d'avoir le plus grand nombre de suiveurs. Le but des prophètes, c'est d'enseigner le message d'Allah et de dire aux gens ce que Allah leur a enseigné. Et ça s'arrête là. Si les gens ne veulent pas l'entendre, ils vont pas faire quelque chose de nouveau. Ils vont pas tricoter un nouveau message, inventer quelque chose de nouveau pour faire plaisir aux gens. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Et le cheikh, il dit ensuite, والدليل على هذا أن الطالب يقرأ أن بر الوالدين واجب فتجد عمتهم لا يبر بوالديه. Il dit, la preuve de qu'est-ce qu'on dit, que pour certains, la science est seulement théorique. Il dit, l'élève, il va lire dans les livres le sujet à propos de l'obéissance envers les parents et de la bonté envers les parents. Il dit, il sait que c'est quelque chose qui est obligatoire d'être bon envers tes parents et d'obéir à tes parents. Et pourtant, il dit, la majorité d'entre eux, ils ne sont pas bons envers leurs parents. Hein? Donc ça veut dire pour eux, c'est seulement une théorie. On a appris ça, on a étudié, on connaît les hadiths par cœur, on connaît les versets par cœur. Mais dans la pratique, comment tu agis avec tes parents? Tu mets pas les hadiths et les versets en pratique. Donc ça veut dire pourquoi tu les as appris comme ça? Juste pour les mémoriser? Juste pour les répéter? Et puis tu voulais pas les appliquer ou quoi? L'autre exemple, le cheikh dit فَيَقْرَأَ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ وَهَلْ كُلُّ إِنْسَانٍ يَصِلُ رَحِمَهُ. Hein? Il lit à propos des liens de parenté et que ça, c'est obligatoire. Et tu vois, est-ce que tous les gens, ils gardent les liens de parenté? Hein? Non. Il dit وَبَعْضُ النَّاسِ لَا يُصَلُّونَ لَا يَصِلُونَ أَرْحَامَهُمْ فَتَجِدُ أَنَّهُ يَزُورُ صَدِيقَهُ صَبَاحًا مَسَاءً ولكنه لا يزور قريبه إلا في السنة مرة أو عند المناسبات. Il dit, il y a des gens, ils savent que garder les liens de parenté, c'est important. Et tu vois qu'ils visitent ses amis le matin, le soir, tous les jours. Mais sa famille, ses proches, il va les visiter peut-être une fois par année ou lors des occasions spéciales. وتجد أن الطالب يعرف أن الكذب حرام ومع ذلك يكذب. Hein? Il sait, l'élève, il sait que mentir, c'est haram. Et pourtant, il va mentir. Hein? Et il dit, وَيَقْرَأَ أَنَّ الْغِشَ حَرَامٌ ثُمَّ يَأْتِي وَيَقُولُ هَلْ الْغِشَ فِي الْإِمْتِحَانِ حَرَامٌ. Subhanallah. Il dit, les élèves, ils apprennent que tricher, c'est haram. Puis quand le temps de l'examen arrive pour l'école, il dit, est-ce que tricher dans l'examen, c'est haram? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une règle différente pour l'école, puis une règle différente pour la vie? Comme si les règles qui s'appliquent à l'islam, dans la vie en général, ça ne s'applique pas à l'école? À l'école, tu as le droit de tricher, dehors, tu n'as pas le droit? Non, les gens, ils vivent dans maintenant, à notre époque, et même peut-être depuis longtemps, les gens, ils ont cette mentalité-là, qu'ils vivent dans une réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'ils pensent que le monde dans lequel ils vivent actuellement, c'est un monde virtuel, ce n'est pas le monde réel. Et que dans ce monde virtuel-là, ils peuvent vivre et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est comme des gens, par exemple, qui vont jouer dans des jeux vidéo. Hein? Et dans le jeu vidéo, il peut tuer des gens, battre des gens, voler des gens, hein? Faire des crimes, vendre de la drogue dans le jeu vidéo. Et ça, c'est halal parce que c'est virtuel. Mais dans la vraie vie, non, ça, c'est haram. Mais c'est comme ça que les gens commencent à compartimenter leur vie. Et c'est comme s'ils ne réalisent plus que la réalité dans le monde dans lequel ils vivent, c'est la réalité. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais jouer un rôle dans un film. Et moi, je suis musulman. Et je veux devenir acteur. Et je vais jouer dans un film, et dans ce film, je vais être le mari de cette fille-là, hein, et je vais faire telle relation avec une autre femme qui n'est pas ma femme, et en même temps aussi, je vais voler, je vais tuer, et je vais boire de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool pour de vrai, hein, c'est du jus de raisin, ou je ne sais pas quoi. Et les gens disent, mais ce n'est pas haram. Parce que c'est juste un film. Mais c'est la réalité aussi. Si tu fais semblant de faire le haram, c'est comme si tu faisais le haram. C'est sûr que c'est pas au même degré, c'est peut-être pas au même niveau, mais parfois même ça peut être pire. Parce que les gens qui vont regarder ce film, ils vont être inspirés ou influencés par ce qu'ils vont voir. Et toi, d'une certaine façon, tu es en train de leur montrer le mauvais exemple, le mauvais comportement. Alors toi, tu vas te dire, mais est-ce que j'ai le droit, hein? Déjà, pose-toi la question, est-ce que j'ai le droit de devenir acteur si je suis musulman? Hein? Ça devrait être un réflexe dans ta tête. Tu dis, mais moi, je suis un musulman, est-ce que j'ai le droit de devenir acteur? Si je suis une musulmane, est-ce que j'ai le droit de devenir actrice? Je porte le hijab, mais quand je vais faire le film, je vais enlever le hijab. Parce que si je veux faire les rôles, là, si je porte le hijab, ils ne vont pas me donner des rôles. Hein? Donc, dans le film, je vais jouer le rôle d'un chrétien ou d'un juif ou d'un athée. Je vais insulter Allah. Mais ce n'est pas pour vrai, c'est juste un rôle. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Mais il y a des musulmans aujourd'hui qui sont des acteurs. et qui jouent dans des films et qui font des choses haram comme ça et qui inspirent aux autres et montrent aux autres des mauvais comportements. Hein? Que ce soit des films arabes ou des films turcs ou des films indiens ou des films américains, peu importe, on est musulman. Hein? On n'a pas le droit de faire ça. Et ça, ça fait partie. Et les ulama, ils ont dit ça rentre dans le mensonge. Et c'est pour ça qu'ils ont dit c'est haram. Et une fois, j'écoutais Tariq Ramadan, il disait il y en a qui disent que le cinéma, c'est haram. Et lui, il dit non. Le cinéma haram, c'est haram. Le cinéma halal, c'est halal. C'est quoi le cinéma halal? Hein? Un cinéma qui n'a pas d'alcool, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de femme sans voile dedans, il n'y a pas de mensonge dedans. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Hein? Donc peut-être les gens vont dire, non, c'est la télé-réalité. Hein? Est-ce que la télé-réalité, c'est réel vraiment? Ou bien ça, si ce n'est pas juste un semblant de réalité? Tout ça pour dire que on vit dans une situation actuellement. Même, tu vois, les gens, ils écrivent sur Facebook, ils écrivent sur Twitter, ils écrivent des trucs et ils se créent des comptes où ils n'écrivent pas leur vrai nom. D'accord? C'est des comptes avec un pseudo. Et ils disent, puisque ce n'est pas mon vrai nom, je peux dire ce que je veux. Même si c'est faux, et même si c'est pour dire des mauvaises choses, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas moi. Personne ne va savoir que c'est moi. Mais Allah, il ne sait pas que c'est toi. Hein? Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait que c'est toi. Même si toi, tu peux te cacher des gens, tu peux écrire n'importe quelle bêtise avec ton pseudo, tu penses que tu es à l'abri. Mais Allah, il sait qu'est-ce que tu écris. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yastaghfuna min an-nas wa yastaghfuna min Allah. Hein? Ils se cachent des gens, mais ils ne se cachent pas d'Allah. Ils ne peuvent pas se cacher d'Allah. Hein? Parce que Allah, il sait qu'est-ce qu'ils font. Donc, tout ça, c'est des exemples que le Cheikh il mentionne. Et c'est pour nous faire réfléchir. Hein? Il dit combien de gens ils savent que le mensonge c'est haram. Pourtant, il y a des gens qui ont étudié l'islam, qui sont dans la da'wah et qui se permettent de mentir. Et non seulement ils mentent, mais ils mentent même au sujet de la religion d'Allah. Ils mentent à propos d'Allah et à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à propos de la da'wah. Hein? C'est pour ça que combien de fois Cheikh Rabi' il insiste là-dessus. Il dit Iyakum wal kadhib. Il dit même le menteur, il est pire que le mubtadi'. Il a dit, le menteur, il est pire que le mubtadi'. Le menteur, tu ne prends pas son hadith. Jamais. Hein? Et le prophète, il dit dans le hadith, « Iyakum wal kadhib. Hein? Fa inna al kadhib yahdi ila al fujur. Wal fujur yahdi ila al nar. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Il dit, le prophète Sallam dans le hadith, il dit, prenez garde au mensonge parce que le mensonge amène à la perversité. Et la perversité amène à l'enfer. Et il dit, l'homme va continuer à mentir et à se forcer à mentir jusqu'à ce qu'il devienne un menteur auprès d'Allah. Allah va l'écrire comme étant un menteur. C'est grave. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit وَيَسْأَلُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ يَعْرِفُ حُكْمَهُ أَوْ يَأْتِي وَيَقُولُ هَلِ الْغِشْ فِي الْإِنْجْلِيزِيَةِ وَالْفِيزِيَةِ وَالْكِيمِيَةِ حَرَامٌ فَنَقُولُ لَهُ أَلَيْسَتْ مَادَّةً مِنَ الْمَوَادِ. Donc il y en a qui disent, est-ce que j'ai le droit de tricher en anglais, dans les cours d'anglais, dans le cours de physique, dans le cours de chimie, à l'examen? Hein? Est-ce que j'ai le droit de tricher dans ces matières-là? Le cheikh dit, n'est-ce pas que c'est des matières parmi les matières que tu dois étudier? Si tu triches, yani, ça veut dire que tu mens. Hein? Yani, subhanallah. Donc, tricher à l'examen, ce n'est pas permis. Même si ces matières-là, ce n'est pas une matière. Tu dis, ah ouais, dans le cours de religion, je ne vais pas tricher, mais dans le cours de maths, je vais tricher. Non. Dans tout dans ta vie, tu ne dois pas tricher. Pas seulement dans la religion. C'est ça que les gens, des fois, c'est ça que je dis, quand ils séparent les choses dans leur tête d'une façon qui est pas acceptable. Comme si la vie, elle est séparée de la religion. Il y en a qui me demandent la question, est-ce que j'ai le droit de tricher dans les taxes? Hein? Est-ce que j'ai le droit de tricher dans les impôts? Dans les déclarations d'impôts? Est-ce que j'ai le droit de tricher dans... Est-ce que j'ai le droit de travailler en dessous de la table? Ou de travailler sans le déclarer? C'est la même chose. Si tu déclares quelque chose, tu ne peux pas faire le contraire. Hein? Donc, mentir, c'est haram. Il n'y a pas un moment où tu vas dire ça, c'est halal. Le mensonge, c'est un mensonge. Et le cheikh, il dit donc, « Al-muhim, wal-muhim, anna usul al-iman al-sitta, allati bayyanaha al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, لا تنفع في الإنسان إلا إذا قبلها وتأثر وانتفع بها أما مجرد النظر فأنا ضامن أنه يوجد في الكفار من يدرس هذه الأشياء دراسة وافية ويكون عنده من الاستنباطات واستخراج الفوائد أكثر مما عند كثير من الناس فتجد من الكفار من يؤلفون في اللغة العربية ويحللونها فقها وتعبيرا مع ذلك هم كفار فلهذا نسأل الله أن يعيننا على الانتفاع بما علمنا. Donc le cheikh il dit l'important c'est de comprendre que ces six piliers de la foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié, il faut que la personne en profite et il faut qu'il soit affecté par cette croyance là et que ça lui profite. Mais si c'est juste une question théorique qu'il apprend, il dit, je vous garantis qu'il y a des koufars qui étudient ces choses-là et qui vont les apprendre comme il faut. Peut-être même il y a des koufars, par exemple, qui font des études religieuses ou des études islamiques. Hein? Il y a des koufars dans les universités, même ici à McGill, il y a une branche d'études islamiques. Et il y a des juifs et des chrétiens et des athées qui enseignent l'islam. Hein? Et si tu lui demandes des questions sur, par exemple, les six piliers de la foi ou sur la langue arabe et les règles de la langue arabe, ils vont te répondre. Ils sont des docteurs en langue arabe, mais pourtant, c'est des koufars. Il dit, et donc, c'est pour dire, si c'est juste de les apprendre et de les connaître comme ça, tout le monde peut les connaître, même le koufar peut les connaître. Mais la différence, c'est est-ce que ça va te profiter parce que tu y crois et tu le mets en application et tu l'appliques, cette science. Est-ce que ça produit en toi les fruits qui sont désirables et qu'on essaie d'obtenir? C'est ça l'important. Et le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ فَصْلٌ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ السَّامِيَةُ. Donc, il explique, il dit, وَقَوْلُهُ il dit, وَقَوْلُهُ يعني هذه العقيدة السامية أي العالية هي أنها تثمر إذا وجدت أو إذا وجدت أرضا قابلة وإلا فلا فلو أنك بذرت الحب في أرض سبخة فإنها لا تثمر ولكن في روضة من رياض الأرض تجد أنها تثمر إذا صادفت محلا قابلا. Donc le cheikh explique que cette aqida qui est élevée, qui est importante, elle va produire des fruits lorsqu'elle va trouver une terre qui est propice à cette production de fruits là. Il dit c'est comme une terre qui est asséchée, qui est mauvaise. Si tu vas planter dans cette terre toutes les graines possibles, il n'y a rien qui va pousser dans cette terre. Parce que c'est une terre qui est stérile. Elle ne peut pas produire, elle ne peut pas faire rien pousser de bon. Donc il y a certains êtres humains, leur cœur il est comme ça malheureusement. Et il y en a d'autres, d'autres terres qui sont très riches. Hein, n'importe quoi que tu plantes, ça pousse. Et les cœurs des êtres humains, il y en a comme ça aussi. Donc il dit, tout dépend de la terre dans laquelle tu vas faire planter ces fruits-là. Et donc, les cœurs des êtres humains sont comparables à la terre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cet exemple-là aussi dans un hadith. Il dit, « فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَتَضَمَّنُ مَحَبَّةَ اللَّهِ hein, lima fi asma'ihi min al-maghfirati wal-rahmati wal-hikmati ila akhirihi wa tuthmiru dhalika al-khawf والتعظيم فإذا آمنت بأنه سميع بصير عليم شديد العقاب خفته وعظمته وهذا الحب والتعظيم بهما أو نعم وهذا الخوف والتعظيم بهما يكون القيام بالأمر والنهي فبالحب يكون فعل الأوامر لأن فعل الأوامر توصل إلى محبة الله فإذا أحب الله فإذا أحب الله سعى في الأسباب الموصلة إليه عز وجل وبالتعظيم يكون اجتناب النواهي لأنك إذا عظمته خشيت من عقوبته وما ارتكبت معصيته. Donc ici le cheikh il mentionne les fruits qui découlent de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que en croyant, en ayant la foi en Allah et en ses noms et en ses attributs, le serviteur, il va développer l'amour d'Allah et le respect d'Allah, ce qui va le pousser à être capable d'établir ce que Allah a ordonné et de s'écarter de ce que Allah a interdit. Et donc, il dit par exemple que la foi en Allah, ça implique premièrement d'aimer Allah. Et d'aimer Allah, c'est en connaissant ses noms. Le fait qu'Allah, par exemple, parmi ses noms et parmi ses attributs, il y a le pardon, il y a la miséricorde, il y a la sagesse, il y a la force, il y a, et ainsi de suite. Et donc, le fait d'avoir cette connaissance-là, ça va te remplir de cet amour pour Allah et de la crainte pour Allah et du respect envers Allah. Et le fait de connaître parmi ses attributs qu'il est l'audient, qu'il est le voyant, qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il est dur en châtiment, tu vas avoir peur de lui désobéir, tu vas avoir respect pour lui. Et par conséquent, cet amour et ce respect vont faire en sorte justement que tu vas être en mesure d'appliquer ses ordres et de respecter ses interdictions. Et donc, l'amour va t'appeler à faire les œuvres, à faire les ordres, à mettre en pratique les obligations, ce qui va t'amener à obtenir justement d'Allah son amour. Allah va t'aimer par la suite à cause de ça. Et lorsque tu vas aimer Allah, tu vas faire plus d'efforts pour te diriger vers lui et faire ce qu'il veut de toi. La même chose aussi, lorsque tu auras du respect pour lui et que tu as de la crainte pour lui, eh bien tu vas t'écarter de tout ce qu'il t'a interdit parce que tu as peur de son châtiment et tu as peur de lui désobéir. Hein? Tu as peur de lui désobéir. Et يعني, le cheikh il dit ensuite والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع وهذه ثمرة عظيمة. فأحيانا نفضل الإنسان أو يفضل الإنسان محبة الله على جزائه لأنه يجد في قلبه النعيم والسرور والانشراح والطمأنينة بمحبة الله ويقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فلا نعيم بعده فقد ترد على القلب أشياء غفلة ووعي وصحة ومرض وفي بعض الأحيان يصل إلى درجة وذلك لما تشاهده من رحمته وإحسانه وفضله ولذلك جاء في الأثر أحب الله لما يغدوكم به من النعم وتأمل في نفسك وإذا الله قد عافاك ورزقك وأمنك ويسر أمورك فتحبه ولو جاءتك نعمة طارئة فالنعم الدائمة قد لا يرى الإنسان فيها كبير فضل بأن رزقت ولدا مثلا ألست تزداد محبتك لله بل تزداد وبلا شك تعرف نعمته عليك ولذلك كان من المشروع عند تجدد النعم أن يسجد الإنسان شكرا لله فأحب الله لما يغدو لما يغذوك به من النعم. ثم هناك مرتبة ومنزلة عالية أعلى من هذه، وهي أن تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته وكمال شريعته وكمال قضائه، وهذا أشد من الأول، أن تحب الله لكمال صفاته لا لكمال فضله وإحسانه عز وجل فقط. Donc le Cheikh il mentionne des raisons pourquoi hein, l'être humain il va aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit donc parmi les fruits donc de la foi en Allah, il y a que l'être humain justement avec l'amour et le respect, il va faire les ordres, il va s'écarter des interdictions et il va obtenir par cela un bonheur parfait dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà pour l'individu et pour la société tout entière. Et il dit donc ça fait partie des grands fruits donc qui découlent du fait que l'être humain justement il a hein, cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit parfois même l'être humain il va préférer l'amour d'Allah à sa récompense, parce qu'il trouve en lui-même des grâces et du bonheur et une ouverture, hein, une expansion de sa poitrine, une expansion de sa poitrine et une sérénité qu'il obtient dans le fait qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se dit à lui-même, si les gens du paradis sont dans un bonheur semblable à celui-ci, alors il n'y a pas de délice meilleur que celui-là après. Hein? Et donc, il dit, et donc, il est possible qu'il y ait, dans le cœur de certains d'entre nous, par exemple, hein, de l'insouciance, ou bien de l'éveil, hein, de la conscience ou de l'insouciance, parfois de la santé ou de la maladie. Parfois, tu vas être dans différents degrés, différents états, différentes situations. Et il dit, et tu peux même atteindre un degré, justement, où tu es témoin, justement, de la miséricorde et de la grâce que Allah te fait et de ses bienfaits. Et c'est pour ça que certaines narrations ont été rapportées à ce sujet-là de la part des ulama et des salafs. Ils disaient, aimez Allah pour ce qu'il vous comble de ses grâces. Et médite en toi-même et réfléchis en toi-même lorsque Allah il te fait yani grâce hein, de différentes choses, soit parce qu'il te donne de son pardon ou qu'il te donne de son risque, hein, il te donne un risque, ou bien il te met en sécurité, ou bien il te facilite des choses que tu aimes, hein, ça c'est des grandes grâces. Yani, j'étais en train de discuter justement avec la famille, on parlait ensemble, puis on discutait. J'ai dit, subhanallah, on écoutait les nouvelles et on mentionnait par exemple que dans certains pays, par exemple en Syrie actuellement, il y avait des gens qui étaient dans des camps de réfugiés et qu'ils étaient en train de souffrir parce qu'ils meurent de froid. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de nourriture, ils n'ont pas d'endroit pour dormir, ils n'ont pas de vêtements à porter. Hein? Et c'est l'hiver en plus. Donc, moi, je disais, il faut qu'on remercie Allah. Hein? Il faut qu'on remercie Allah. On a un toit pour nous couvrir. On a un chauffage pour nous réchauffer. On a des vêtements pour porter. On a de la nourriture pour manger. Hein? Et tout ça, c'est des grâces. On ne peut même pas l'imaginer. Pourquoi? Parce que nous, on les a et on a pris ça pour acquis. Alors qu'il y a des époques ou des endroits ou des situations dans lesquelles certains d'entre nous vivent actuellement qui sont vraiment pénibles et difficiles. Et nous, on ne peut même pas imaginer ça tellement qu'on est comblé des grâces que Allah nous donne. Juste la grâce d'être en sécurité, ça veut dire que tu peux dormir et que tu n'as pas peur. Mais celui qui vit dans la guerre, il ne peut pas connaître cette tranquillité, cette sérénité-là en lui-même. Parce que quand il se couche, il ne sait pas s'il y a une bombe qui va tomber sur sa tête pendant qu'il va aller se coucher. S'il sort dehors pour aller faire la salat, il ne sait pas si une balle perdue ne va pas lui rentrer hein, dans sa tête et qu'il va tomber, il va mourir comme ça juste pour aller, hein, en marchant, aller acheter du pain ou bien en allant à la mosquée. Donc, ça c'est al-amn. Al-amn, la sécurité. C'est une grande ni'ma, mais beaucoup d'entre nous, on a pris cette ni'ma pour acquis, hein? Et on est peu reconnaissant envers Allah. Donc le fait d'observer qu'est-ce qui arrive chez les autres et de, qui arrive aux autres, ça nous aide à être plus reconnaissants des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et il dit également, hein, quand tu observes de toutes ces grâces qui te parviennent et des choses, des grâces qui sont parfois nouvelles que Allah te donne à chaque fois dans ta vie, hein, parce que des fois, en fait, tu es tellement dans la grâce continuellement et de façon permanente que tu ne réalises pas à quel point elle est grande, cette grâce que Allah t'a donnée. Hein? Mais quand tu reçois une grâce nouvelle, comme par exemple Allah te donne un enfant, eh bien là, tu augmentes ton amour pour Allah à ce moment-là. Hein? Il n'y a pas de doute que tu reconnais cette grâce-là lorsque Allah te la donne à ce moment-là. Hein? Et il est donc légiféré, lorsque Allah te donne une nouvelle grâce, que tu te prosternes à Allah par reconnaissance envers lui. Hein? Et que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il t'a donné comme grâce. Et en même temps, ça ne veut pas dire que s'il t'enlève une grâce, que tu vas cesser de l'aimer ou que tu vas baisser dans ton amour pour lui. Hein? Parce que tu ne dois pas aimer seulement pour les grâces qu'il te donne, mais tu dois aimer Allah dans, en toutes circonstances. Et même s'il t'enlève une grâce, tu dois l'aimer encore aussi. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend et il donne. Et à la base, hein, tu dois te dire, ben, yani, c'est Allah qui donne qu'est-ce qu'il veut. S'il me l'enlève, c'est à lui. Hein? Donc tu le remercies en toutes circonstances et en toutes situations. Et aussi en même temps, il dit, il y a un degré encore plus élevé que ce degré-là. C'est-à-dire le degré d'aimer Allah pour les grâces qu'il te donne. C'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala pour, sa, la, les, pour la sagesse parfaite d'Allah et sa miséricorde parfaite et sa sharia qui est parfaite et, ses, et son décret qui est parfait. Et donc tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala pour sa perfection et, pour sa, pour les, et non seulement pour les grâces et la bonté qu'il te donne. Donc ça, ça fait partie des exemples de bien qui découlent du fait d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement des choses théoriques. C'est pas seulement des choses qu'on étudie pour passer un examen ou pour réussir un test. Non. Ça, c'est quelque chose que tu dois vivre. Et la foi, ça doit être quelque chose qui est vivant. Pas seulement quelque chose qui est abstrait ou théorique. Quelqu'un peut apprendre le Coran par cœur, mais s'il n'y croit pas, et s'il ne le met pas en pratique, et s'il ne le vit pas, ça ne va pas produire en lui les fruits que Allah hein, nous a prescrits. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve à chaque moment et dans tout ce qu'on fait dans l'islam. Et les sahaba, la raison pourquoi leur foi, justement, elle était aussi forte et elle était aussi grande, c'est parce que, justement, à chaque fois qu'ils apprenaient quelque chose de la religion, ils le mettaient en application. Et à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala les mettait à l'épreuve et leur donnait des tests et des difficultés dans leur religion, ils restaient fermes et ils restaient accrochés à ce que Allah leur ordonnait, ce qui faisait que leur foi augmentait encore plus. Hein? Et c'est dans ces situations-là, justement, que la foi peut augmenter réellement. Hein? Tandis que si on n'est pas éprouvé, et si on n'est pas testé, et si la religion, on l'apprend seulement comme quelque chose hein, de théorique, eh bien c'est normal que le niveau de notre foi, il va toujours rester, hein, il va toujours rester faible. Donc, tout ça, c'est pour dire, les épreuves que Allah nous donne en même temps aussi, c'est pas nécessaire que ce soit yani, des épreuves de vie ou de mort, ou des choses qui sont nécessairement très dangereuses. Non. Même des choses très simples, ça peut être des tests pour nous. Et surtout, Allah, il nous éprouve selon le niveau de notre foi. Hein? Yani, il y a un exemple qui est mentionné justement à propos de ça dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que « Ashaddu an-nas bala'an al-anbiya ». Hein? C'est-à-dire que les gens qui ont les plus dures épreuves, c'est les prophètes. Puis en descendant, selon le niveau de foi des personnes. Hein? Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, si Allah il trouve que quelqu'un il a une fermeté dans sa religion, il va le tester de façon qui correspond à sa fermeté. Mais s'il trouve que dans sa religion il y a une faiblesse, il va le tester, mais d'une façon qui est proportionnelle à sa faiblesse. Donc, il ne va pas donner à quelqu'un qui est faible la même épreuve que celui qui est fort. Hein? Parce que sinon, c'est certain que ce serait vraiment difficile. Si on devait tous être éprouvés comme les prophètes, hein, on ne serait pas capable. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers nous. Hein? Alhamdulillah. Donc, on va terminer avec ça pour aujourd'hui et on va continuer, inshallah, les autres fawa'id et les autres fruits hein, de la foi en ces six piliers. Il y en a dans les cours précédents. Donc, on approche de la fin du livre, alhamdulillah. Et donc, il nous reste à l'expliquer. L'expliquer les fruits de la foi en Allah. On n'a pas encore terminé. Après, la foi en les anges. Après, la foi en les livres. La foi en les messagers, la foi en le jour dernier et la foi en Al-Qadar. Et une fois qu'on aura étudié ces fruits-là, eh bien, on aura conclu le livre. Et Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne justement les fruits qui sont exigés et qui sont impliqués par justement la foi qui découle de ces piliers-là. Hein, pour qu'on puisse nous aussi les avoir et les produire ces fruits-là dans notre vie. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.